roule mon premier bédo. J'étais là assis avec mes potos. Tu te souviens comment elle nous avait retourné la tête? Mélodramatique, on était devenus des poètes. Aujourd'hui certains sont tombés dans la drogue. Certains de mes frères fument, d'autres distribuent des catalogues. Ils sont devenus des pros du roulage, tandis que nos darons commencent à prendre de l'âge. Tu te rappelles de l'argent qu'on avait bouffé? Maman nous aurait bien niqué. Je roule mon premier bédo, seul ou avec mes potos. J'ai besoin de cette merde pour atteindre le ciel. Mais l'herbe c'est magique, on peut tout faire avec. Bullshit, les deux c'est magique. Je rêve que je dévalise les cieux, où puis-je planter mes plantes bœufs? Quand toi tu vois la vie en rose, moi je la vois en vert en overdose. Je rêve que je dévalise les cieux, où puis-je planter mes plantes bœufs? M'en fous de la merde qu'il y a dehors. Mon frère toc et me dépose mes plans de bœuf. J'irai plus jamais dehors. On me dit qu'allez tu ne vas pas quand même faire un morceau sur le teuteux. Pourquoi je ne pourrais pas? J'attends ce jour où on abolira l'inégalité du cannabis. 50% de THC quand je pisse. Toi l'herbe tu l'as dans ton jardin, moi c'est enfoui dans la cave à vin. Je roule mon premier bédo, seul ou avec mes potos. J'ai besoin de cette merde pour atteindre le ciel. Mais l'herbe c'est magique, on peut tout faire avec. Bullshit, les deux c'est magique. Je rêve que je dévalise les cieux, où puis-je planter mes plantes bœufs? Quand toi tu vois la vie en rose, moi je la vois en vert en overdose. Je rêve que je dévalise les cieux, où puis-je planter mes plantes bœufs? On se rejoint dans notre bar, ça roule des pets, on se tape des barres. On fait le monde à notre guise, pendant que ton groupe agonise. Nous on est en E et on vise la zizanie par jalousie. Mon clan est abouti, toi le tien se divise. On part de ce putain de bar, c'est l'aquarium dans la bagnole. Deal comme Pablo Escobar, 21h déchiré à l'alcool. On rentre à la maison défoncé à cause du chichon. Je roule mon premier bédo, seul ou avec mes potos. J'ai besoin de cette merde pour atteindre le ciel. Mais l'herbe c'est magique, on peut tout faire avec. Bullshit, les deux c'est magique.